Merci Serge, qui encore une fois nous a fait partager toute sa science sans fond, sans fin presque. Oui, sans fond, c'est le cas. Un peu plus en plus. Voilà, et son humour aussi. Alors, Louise Brissegno, bonsoir. Réalisateur, enseignant à l'ENSAD. Oui, technicien à l'ENSAD. Oui, enfin bon. Vous intervenez, vous aidez les étudiants à monter leur projet et tout ça quand même. Producteur, puisque vous avez créé une maison de production qui s'appelle Métronomique. Et vous nous venez du Chili. Voilà. Et vous êtes venu en France pour apprendre l'animation ou... Non, au début, je voulais faire des études de cinéma. Ouais. Et j'avais commencé à faire des études d'ingénieur au Chili. Ouais. Et puis j'ai arrêté. Et puis je suis venu en France. Ma famille, du côté de ma mère, c'est des Basques. Ouais. Et donc j'avais la possibilité d'avoir la nationalité, en fait. Mmh. Et un peu la langue. Donc je suis venu faire des études de cinéma en fac de lettres, quoi. Mmh. Alors j'ai remarqué que vous retourniez aussi au Chili pour faire des ateliers d'initiation auprès des enfants. J'ai vu ça récemment. Oui, c'est un projet en fait qu'on a eu l'année dernière. On était invité par une alliance française à Santiago pour faire des ateliers en fait, pour réaliser des films d'animation en volume. Mmh. Et donc on est parti sur un projet de faire des films de science-fiction parce que je me suis dit. Faire marcher des personnages, c'est vraiment la galère. Pour les enfants, ça va être vraiment pénible et ça va être moche à la fin. Donc, on fait des robots, ils glissent, ça marche très vite et c'est parfait. Donc, on est parti sur cette base de faire des films avec des matériaux de récupération. Et on a fait un atelier à Santiago dans l'Alliance française. Bon, des enfants plutôt privilégiés. On a fait le même atelier dans le sud, au sein d'une communauté mapuche. Mmh. Et c'est les Indiens du sud du Chili, en fait. Et c'était super riche parce que bon, on a quand même développé un sujet de documentaire à l'intérieur de ça, comme quoi on était des extraterrestres qui venaient de l'espace pour voir un peu ce qui se passe sur la Terre. Et comme par hasard, notre vaisseau il tombe en panne au Chili. Et comme par hasard, au Chili, il se trouve ces deux cultures qui sont vraiment très emblématiques d'une différente approche en fait, d'un regard particulier sur le monde, quoi. Donc voilà, bon, ça c'est, je m'étale sur ce truc là mais c'était la dernière expérience qui était vraiment très très intéressante. C'est la première fois que je travaillais avec des enfants, vraiment. Et vous en avez profité pour regarder un petit peu ce qui se faisait au niveau de l'animation au Chili? Oui, je connais quelques gens qui font un peu l'animation là-bas, et bon, il y a des choses intéressantes qui se passent quand même. Et bon, il y a un long-métrage il y a pas très très longtemps, je sais plus comment ça s'appelle d'ailleurs, sur l'île de Pâques là. Oui, c'était quoi, je l'ai vu en fait. Le titre m'échappe aussi, je l'avais en tête, et bien, enfin c'est pas grave. Bon, il n'est pas arrivé jusqu'à nous de toute façon. Bon, mais c'est un film, c'est déjà un grand effort, je l'ai vu, il y a des faiblesses quand même, mais bon, c'est étonnant de voir que dans un petit pays comme le Chili, il y ait quand même une production de long métrage comme ça, même si c'est un seul, c'est vraiment déjà énorme, je trouve. Et l'année dernière, chez les voisins argentins, sont créées deux écoles d'animation de département d'animation à San José, à Buenos Aires. Eh oui, donc peut-être bientôt au Chili. Ouais, peut-être, ouais. Alors vous êtes réalisateur, bon... tout le monde connaît, en tous les cas les gens qui connaissent, les gens qui s'intéressent à l'animation ont tous vu Les oiseaux en cage ne peuvent pas voler. C'est vrai qu'il y a eu un succès absolument étonnant, qui a fait beaucoup beaucoup de festivals. Comment vous avez vécu ça? C'était un peu inattendu, non? Ouais, c'était très inattendu, surtout que j'avais fait le film parce que j'avais envie de le faire, pas parce que j'avais une intention particulière de rentrer dans un certain milieu ou chercher du boulot après, quoi. Donc en fait, et surtout le truc qui était marrant, c'est le premier festival qui a sélectionné les oiseaux, c'était la quinzaine des réalisateurs. Oui. Moi j'étais chez moi, j'étais avec des copains, et des fois ils m'appellent, bon, un soir ils m'appellent comme ça pour me dire: oui, votre film a été sélectionné pour la quinzaine réalisateurs et tout ça. Et je demande: combien de films il a sélectionné? 7. Bon, court métrage. Je dis: ah putain, il n'y a pas beaucoup de monde qui a des films dans votre festival. Et Anna était un peu choquée à l'autre côté de la ligne de mon ignorance, mais voilà. C'était marrant quand même de voir ce petit festival. Ah oui, c'est étonnant. Le film est même sorti en salle dans un programme. Hein. Ouais. Et ensuite, vous avez d'autres films qui n'ont pas forcément connu le Oui, bien sûr. Mais disons que depuis, j'ai fait beaucoup de films de commande, entre guillemets. Disons que j'ai fait beaucoup de vidéoclips. mais pour des artistes qui m'intéressaient, en fait, c'était aussi des projets assez personnels en général. Mmh. C'est très, très rare que bon, j'accepte de faire des choses que j'ai pas vraiment envie, parce que vu que les oiseaux, ça a marché, en fait, et tout ça, et d'un autre côté, je m'intéressais beaucoup à ce qui se passait au niveau de la musique électronique et tout ça, j'ai pu avoir accès à des artistes comme ça qui m'intéresseraient vraiment. Et donc, ça s'est passé, c'était une mutuelle admiration un peu. Genre, moi, j'aimais beaucoup ce qu'ils faisaient, ils aimaient beaucoup ce que nous, on faisait. Et donc, du coup, ils étaient... bon, ça se passait très, très bien. C'est de plus en plus difficile, cette configuration-là, parce que le marché de la musique se casse la gueule. Donc, il y a de moins en moins de place pour diffuser des clips, en fait. Et, et donc, les petits artistes, comme ceux avec qui je travaillais avant, ils produisent plus de clips. Et voilà. Et c'est pour ça que vous avez créé Métronomique, hein? En fait, juste avant Les Oiseaux, on avait fait deux clips pour un groupe allemand qui s'appelle Console. Et donc, Les Oiseaux, entre-temps, ça a très bien marché. Donc, à ce moment-là, on s'est dit avec Jérémy, qui participait à la partie production, Jérémy Rochigneux, pardon, et que peut-être on pourrait utiliser l'argent qui était rentré par Les Oiseaux pour monter une boîte de production et essayer de régulariser cette activité qui était totalement en noir et que ça risquait de nous tomber sur la gueule à un moment, quoi. Donc, depuis, vous produisez donc du court-métrage, film de commande, alors il y a à la fois des clips, des pubs, même des débuts de série, un petit peu, petite série. Oui, oui, oui. En fait, on a un projet de série, et Les Schraubers, c'est est réalisé par Daniel Klein. Qui est un vieux complice. Ouais, voilà, depuis, on travaille ensemble, depuis, on s'est connus au Gobelin en 97, ouais. Et lui faisait une formation de storyboard, moi je faisais une formation de son. Il y avait aussi un autre qui faisait une formation de son, Patrick Volve. Qui aussi, bon, en fait, à la base, on faisait beaucoup de Super 8, on faisait des projections régulières et on faisait chaque mois des nouveaux films, que ce soit en animation, en prise de vue réelle ou n'importe quoi, ou des films avec des bouts qu'on trouvait au puce ou tout ça. Donc, on a eu une grande production de films très courts et très, très cheap, comme dit un ami, cheap and best, comme disent les Indiens, en fait. C'était facile. En espagnol, on dit bueno, bonito y barato. C'est bon, beau et pas cher. Donc voilà. Et donc on vient de là, en fait. Après, en fait, cette histoire de vidéoclip, ça nous a permis de faire une juste moyenne entre ce travail très cheap qu'on faisait en Super 8 et le travail un peu professionnel que chacun faisait pour des séries de dessins animés comme Storyboarder ou qui faisait le son pour. Blablabla. Donc ça nous a permis de trouver notre propre truc sans devoir aller essayer de trouver un système pour rentrer dans le système, quoi. Donc c'était ça a marché, ça marche encore, et puis voilà. Il y a quand même des choses, un clip sur une chanson de Francis Cabrel avec, oui, ça c'était des commandes, quoi. Ouais, ouais. Avec la voix de Benoît Poulevard, tout ça, hein. Ouais. Donc c'est quand même des choses, des gens connus. Ça doit amener un peu d'argent, ce genre de choses là, je pense. Pas tellement, pas tout à fait, parce que ça c'était un projet humanitaire, et voilà, donc c'était pas très bien financé. Bon, c'est un film d'animation de 2 minutes et quelques, produit à 80 000 francs. C'est pas beaucoup, je crois, aujourd'hui. Surtout par rapport à la complexité du boulot, où il y avait une dizaine de personnes qui travaillaient pendant un mois full-time. C'est très peu d'argent, finalement. Donc, voilà. Ouais. Mais ça, c'était un moment aussi où on devait travailler, quoi. Je sais pas, à des moments, il faut faire des choses qui sont moins gratifiantes que d'autres. Ne serait-ce que pour faire travailler une équipe, parce que je suppose que vous êtes entouré d'un certain nombre de personnes qui travaillent plus ou moins régulièrement avec vous. Oui, c'est sûr, mais disons que comme vous pouvez voir nos travaux sur le site metronomique.fr, metronomique ici. On peut voir tous les films. Donc si vous voyez, il y a vraiment beaucoup de choses, de techniques qui sont différentes, de mélanges de techniques et tout ça. Donc il n'y a pas quelqu'un qui fait toujours la même chose. Et chaque projet, ça a une complexité qu'on connaît pas, en fait, avant de l'aborder. Et ce qui est très difficile aussi avec le clip, où les délais sont vraiment très restreints, un mois pour faire un film de 3 minutes. Et des fois avec des techniques qui sont vraiment, par exemple sur l'ancien, que c'était 4 semaines avec une dizaine de personnages en volume en latex, donc tout le travail de moulage et de fabrication des squelettes. Après, tout le décor, il est fait en papier découpé animé, les enfants et tout ça, tourné sur du bleu, avec une compositing, avec des interactions entre différents éléments. Donc c'était vraiment un truc monstrueux. et par rapport au temps qu'on avait. Donc on tournait chez moi, j'habite dans une boutique dans le sous-sol de chez moi, et c'était genre on se couchait à 6h du matin, on se réveillait à 10h. Bon, et moi je dormais à 30 cm du plateau de tournage. Donc, en fait, le studio c'est chez vous, c'est ça? Des fois oui, des fois non, c'est un peu en fonction de voilà. Et sinon c'est où? En fait, vous n'avez pas un lieu On n'a pas un lieu pour faire du volume particulier. Donc ouais. Quand il y a du volume, on travaille chez moi et on travaille avec du matériel qui est pas très bon aujourd'hui, c'est bon, avec la photo numérique, c'est quand même pas, on peut faire des choses quand même assez étonnantes et pas très chères. Et moi, j'aime bien cette optique aussi d'essayer de travailler avec des moyens qui sont que dans ma vie courante, je pourrais les avoir pour pouvoir faire quelque chose en même temps. Tu vois, de pas dire, ouais, j'ai besoin de motion control. Je préfère éviter ce genre de trucs qui me semble démesuré, en fait, quelque part. Et je préfère essayer de trouver le moyen, bricoler quelque chose pour le faire avec ce que je sais faire, quoi. Avec une scie, avec du bois, avec des clous, des fois, si je sais pas de me servir d'un tournevis, par exemple. Ouais. Je sais pas. C'est... Donc, bon, en fait, j'aime bien... ce que j'aime dans l'animation, en fait, c'est pas faire toujours la même chose. Si les oiseaux, c'était en pâte à modeler, bon, c'est pas une technique que j'ai envie de réutiliser maintenant parce que c'est trop laborieux. Mais j'aime beaucoup jouer, en fait, avec la technique et apprendre la technique, ce que je peux faire avec elle pour le mettre au service d'un film. Sinon, je trouve que c'est un peu ennuyant et c'est répétitif. On a l'impression qu'effectivement, là, même donc des films de commande, notamment des clips ou quelques publicités, où il y a aussi des génériques, des choses comme ça, il y a toujours une part un peu personnelle, quoi. C'est pas complètement des films de commande. On a vraiment l'impression que les réalisateurs qui ont travaillé dessus ont mis quelque chose de personnel. Les techniques sont souvent assez étonnantes, d'univers un peu. Je suppose qu'on d'ailleurs on doit parfois s'adresser à vous parce qu'on sait ça. Ça va être un peu différent, un peu décalé. Je pense, ouais, il y a un truc comme ça, en fait. On a une les gens, ils nous approchent, en fait, parce qu'ils sont curieux de savoir qu'est-ce qu'on va leur proposer. Au niveau des clips, en fait, bon, se lancer, que c'est une expérience très particulière parce que c'est très cadré, très avec des choses qu'il fallait respecter, avec des modèles qui étaient déjà créés. Mais tout le reste, en fait, les gens, ils arrivent, ils nous disent, bon, on a ce morceau-là, et voilà. Qu'est-ce que... On aimerait travailler avec toi, quoi. Ouais. Et donc, par exemple, il y a un clip pour nos twists, c'est un truc avec un nounours et une petite lapine. Et donc, c'est une histoire d'une déchirure amoureuse et tout ça. Et No Twist, c'est un groupe qui, avant, il faisait du punk. Et donc, le jour, bon, je les connais, ils me disent, ouais, on veut faire ce truc-là. Et moi, je dis, ah ouais, je présente cette idée avec un nounours et une petite lapine. Et les mecs, ils me disent, mais t'es sûr, ça va marcher, tout ça. Moi, je dis, mais oui, mais le truc, c'est que le nounours, en fait, il faut qu'on sente que c'est quelqu'un de 30 ans qui est en train de souffrir d'un mal d'amour, comme ça, très fort. Et je pense que quelque part, en fait, Le pari, il était là, en fait, de prendre un truc qui est associé à l'enfance, par exemple, et le transposer à un truc plus adulte, plus, avec, plus subtil, quoi. Et je pense que ça marche, quelque part. Donc, à chaque fois, il y a des petits challenges comme ça dans les films qu'on fait, en fait, d'essayer de casser quelque chose. Mais c'est pas tout à fait prétentieux, parce qu'on veut pas à chaque fois renouveler le cinéma d'animation, parce que ça nous semble un peu ridicule. Mais à l'intérieur de ça, apprendre quelque chose, essayer de faire quelque chose qu'on n'a pas encore fait, au moins personnellement, quoi. Et oui, Serge. Oui, comment est-ce que vous pratiquez l'animation? Pouvez-vous nous expliquer cela, par exemple, pour le nounours, pour que ce soit sa sorte de l'ordinaire? Je parle de l'animation, n'est-ce pas? C'est-à-dire les phases successives. Oui, mais bon. Sans. Il n'y a pas de recette de cuisine, n'est-ce pas? Non, bien sûr, moi je ne sais pas. En fait, après, c'est. Bon, il y a une histoire. Bon, je pense que bon, chacun animateur aussi, il projette un peu. Il se projette à l'intérieur du personnage. De toute façon, bon, on est quelque part des comédiens qui sont assez mauvais. Mais bon, et sur cette histoire de Nounours, lui, il joue beaucoup avec sa main, avec. Bon, il prend un stylo, il écrit, il fait des choses. Mais il n'a pas de doigts, il a juste des moignons, en fait, au bout. Mais, en fait, quand tu essaies de réfléchir comment tu peux faire pour que ce truc-là, il ne soit pas évident, que à aucun moment cette manque de doigts en fait, ça provoque quelques chocs ou trucs comme ça. Je sais pas. Moi, j'ai pas un système qui me dise, tu vois, par rapport à comment aborder un tel personnage ou un tel autre. Je pars avec des contraintes et j'essaie de l'approcher à l'idée que je veux donner. Et en fait, en partant avec ces contraintes, j'aime beaucoup avoir des contraintes en fait à la base. Et par exemple, pour le temps, comme vous savez que vous avez une contrainte, vous devez avancer vite, alors que l'animation, si vous parlez aux gens qui pratiquent comme ça, ils trouvent que c'est lent, l'animation, que ça dure longtemps. Comment est-ce que vous arrivez, est-ce que vous êtes arrivé à créer des mouvements de qui semblent, le résultat, je veux dire, final, quand le personnage vit, est parfait, alors que, en fait, le nombre de phases n'est pas du tout aussi grand et vous pouvez avancer plus vite que c'est l'usage. Est-ce que vous faites des découvertes comme ça qui vous permettent, avec davantage de punch, d'avancer plus vite en, Vous avez fait des expériences à chaque film. Bon, je pense Pouvez-vous citer quelque chose? Ça intéresserait certainement nos auditeurs. Je pense qu'il y a beaucoup de... Bon, que l'animation, en fait, et surtout dans cette contrainte temporelle comme ça, c'est vraiment, pour moi, l'art de l'économie. Et par exemple, il y a une séquence dont, voilà, c'est Gros Mythe, le faux pantalon. Il y a un moment où Gros Mythe, le chien, il commence à voir que le pingouin, il commence à être bon, à avoir des suspicions et sur ce pingouin. Et en fait, il y a un travelling qui dure assez long, qui suit un mur en fait, et on entend les pas derrière, tic, tic, tic, tic, tic, tic, parce que le chien, il est caché un peu derrière. Et à un moment, il s'arrête, il lève la tête, il la sort et il descend et il continue. Et là, et c'est un travelling qui se passe sur rien du tout, en fait, tout le long. Et je trouve que Nick Park, et c'est quelque chose qu'il a beaucoup perdu, en fait, cette économie de moyens qu'il avait au début, qui était vraiment son vrai talent, et que maintenant, quand il a eu plus de moyens et s'est retrouvé à travailler avec beaucoup d'animateurs, il s'est perdu, en fait, dans les moyens. C'est vrai que cette séquence est formidable, on s'en rappelle. Et justement, là, il y a l'importance du son. On entend un son et on croit, n'est-ce pas, voir le mouvement. C'est ça que vous voulez peut-être... Oui, bien sûr, bien sûr. Donc, en fait, comment... Est-ce que vous pouvez citer un exemple personnel aussi de ce que vous êtes spécialisé en son? Bon, voilà, là, bon, je ne sais pas. Par je ne veux pas vous prendre au dépourvu. Oui, mais par exemple, en fait, là, je travaille avec, en ce moment, j'avais fait un film qui s'appelle La Patate Sauvage. Et maintenant... À un moment, j'ai tourné un truc pour un programme américain qui m'a pris vraiment 2 semaines à faire un décor et le tournage pour 10 secondes. Et je me suis dit, bon, il faut que je réutilise ce décor pour faire quelque chose parce qu'il est très bien et c'est dommage de le jeter. Donc, je me suis dit, ah tiens, à un moment, je fais une nouvelle version de la patate. Et donc, cet exemple de la patate, je trouve qu'il est super parce que... c'est... Bon, une patate, elle a pas de bouche, elle a pas de main, un truc comme ça. Après, tu lui trouves une démarche, et c'est tout ce qu'elle peut à peu près faire. Mais tu, avec des jeux de montage, tu as des jeux de regard, tu peux jouer vraiment sur l'attention, il y a certains trucs. Je fais un film d'animation qui dure 2 minutes et demie, où il y a 10 secondes d'anime à l'intérieur du truc. Et à aucun moment on dit, ah là, il aurait pu animer plus, ou truc comme ça. Et ça, je trouve que c'est vraiment super étonnant. Donc, super étonnant, je parle pas par rapport à mon film, mais par rapport à comment j'aborde mon propre travail. Ça me plaît, en fait. Parce que l'animation, moi, j'aime beaucoup l'animation, mais ça me fatigue quand même. Donc, la magie, c'est de faire aussi bien que possible, aussi efficace que possible, et sans utiliser 30 personnes ou 300 personnes pour faire un petit mouvement dans tous les détails, parfaitement inutile dans ce cas. Ouais. Cheap and best. Cheap and best, voilà. Et juste, est-ce que la technique vient avant l'histoire, ou l'histoire vient avant la technique? Et dans ce cas-là, comment, ça c'est quelque chose qui me fascine toujours, comment on se décide, surtout pour les gens, parce que bah voilà, c'est de la pâte à modeler, la plupart des créateurs quand même choisissent un médium, pâte à modeler, dessin, etc., et puis s'y tiennent sans vouloir, parce que pour aller le plus loin possible dans cet art. Comment on fait pour changer? Est-ce qu'on se dit d'un seul coup, ah, j'ai envie de faire un film en pâte à modeler, puis un film en par ordinateur, ou alors, non, j'ai cette histoire, ou ce clip, là je le vois bien avec justement du volume ou du dessin, comment on décide? Oui, en fait, je suis assez curieux, et je travaille beaucoup comme technicien aussi d'animation, donc je comprends beaucoup de techniques et j'aime beaucoup les allers-retours entre les différentes techniques. Et des fois, on a une idée d'une technique qu'on veut utiliser, et celle-ci va conditionner le film. Par exemple, on a fait des super-héros en papier découpé. Par exemple, on utilise des transformations qui sont propres au papier. Le papier, il brûle, par exemple, à un moment pour se transformer. Ou des choses comme ça. Donc, en fait, soit au début, il y a une technique et on dit on veut faire un film avec des super-héros et en papier découpé. Donc ça va conditionner toute l'histoire du début à la fin, en fait. Soit on part sur une histoire qui me dit, c'est là par rapport à l'intention qu'on veut donner, elle doit être dessinée, par exemple. Ou ça doit être en noir et blanc. Parce que... Et donc, pour moi, en fait, c'est pas... J'ai pas envie de faire une technique particulière, quoi. Et je me contente pas non plus seulement à l'animation. Si je peux le faire en prise de vue réelle, c'est con de le faire en animation, ça prend 10 fois plus, quoi. Et, alors, il y a aussi des courts-métrages qui sont produits. Récemment, vous avez produit notamment La Révolution des Crabes, qui s'annonce comme un succès formidable, autant que Les Oiseaux, peut-être. Oui, je pense peut-être plus. Hein. Peut-être encore plus, prix du public à Annecy. Et c'est vrai que ça marche très très bien ce film, c'est assez étonnant. Vous travaillez notamment pas mal avec des anciens de l'ENSAD, peut-être aussi parce que vous les croisez là-bas. Donc c'est un film d'Arthur Depin. Et puis on peut retrouver alors ce film Les Oiseaux et des tas d'autres dans un DVD. Vous avez sorti un DVD qui sont pas que des productions métronomiques, hein, puisqu'il y a des films d'école, d'autres. Starazine, par exemple, c'est super, un autre producteur, mais c'est très très beau. Ouais. Des films effectivement de fin d'études, je vois le film Du soir au matin de Mathieu Agnus, Qui veut du pâté de foie d'Anne-Laure Bizot et Amélie Gros, Géraldine du même Arthur Depin, hein, qui est aussi un film qui a reconnu un grand succès, on va dire. Pourquoi avoir sorti un DVD? C'est une façon de diversifier les activités. Bon, je pense qu'à un moment, on a... Bon, comme ça, on a eu écho, ou je sais pas, une aide à l'édition. Ouais. Donc on s'est dit, bon, écoute, ça serait con de pas l'utiliser, quoi. Et parce qu'on avait déjà, bon, on travaille régulièrement avec tous ces gens-là, quand même, même si c'est pas des films qu'on a produits. Et puis, bon, on pouvait faire un DVD de court-métrage, même si on fait beaucoup plus de clips que de court-métrage, mais sur les clips, on n'a pas tous les droits. Et donc, on a commencé à assembler, voir la possibilité de le faire, on a eu cette aide, et on s'est lancé dans le truc. Donc on le trouve partout, le DVD? On le trouve à l'AFCA, de l'AFCA en tout cas. Oui, je pense qu'il est dans certains FNAC. Il est en vente à Gibert aussi. Ouais, Gibert. Okay. J'ai vu à Gibert. Alors, je lis ce qu'il y a écrit sur la... sur la plaquette là du DVD, une saga de 11 extraordinaires courts-métrages hors du commun, totalement animés par une confrérie de redoutables réalisateurs d'un genre à définir. Attention, vous n'êtes peut-être pas prêt à assumer une telle expérience, mais le soir, en cachette, loin du regard de votre patron, vous découvrirez que c'est le bonheur et vous en rirez. Hein, c'est beau, c'est engageant, non? Donc il faut acheter le DVD de Métronomique avec, c'est vrai, quelques films formidables, beaucoup placés quand même sous le signe de l'humour. Pas tous d'ailleurs, parce que c'est vrai que là justement on citait La Danse des Asperges, pas de Charazine par exemple, Il y a une certaine... C'est pas un film drôle, mais il y a... Vous savez quoi, je trouve qu'il était temps, parce que pour la France, où d'habitude on a l'habitude de s'amuser, de boire un coup, etc., c'est triste de voir tant de films désespérés depuis les années 60, faits par des jeunes gens. Même Paul Grimaud me faisait la remarque lorsque nous avons fêté son 80e anniversaire au Festival de Marly. Il a dit, cette fois-ci, tant mieux, il y a des films qui nous détendent, enfin, parce qu'il faut qu'il y ait de la joie quand on est jeune, c'est le moment ou jamais. C'est pas quand on est vieux et perclus, alors qu'on va faire des films joyeux, forcément, n'est-ce pas? Et un jeune réalisateur qui a un projet, comme ça, il peut venir vous voir, dire est-ce que vous m'aideriez à monter ce projet. C'est de plus en plus dur, en fait. Non, mais disons qu'on est. Surtout qu'on est beaucoup de réalisateurs à la base. Ouais. Et tu vois, on est technicien aussi, mais on est réalisateur, donc ça fait. Il y a beaucoup de projets en même temps. Et à gérer, c'est quand même très très dur. Donc si en fait on commence à produire les films des autres pour ne plus produire les nôtres, c'est un peu dommage. Et c'est pas bon si vous avez un projet super intéressant, mais bon. Mais toujours est-il que on a besoin de nos efforts pour déjà on dit la charité commence à la maison, on dit pas il y a pas un... par soi-même. Ouais, c'est la même idée. Ouais, c'est ça en fait. Donc voilà. Bon, très bien, Louis. Merci beaucoup. Et puis, je souhaite beaucoup de succès à au DVD. Hein. Franchement, achetez-le parce que c'est vraiment très diversifié. C'est tout à fait, vraiment des cours très intéressants. Pourrais-tu rappeler l'éditeur? C'est Low Wave. Low Wave. Ouais. C'est Low Wave, donc on trouve chez Gibert, à la Fnac. Gibert, Fnac, je pense sur le site. On peut sur le site de mon dynamique, il y a un lien vers le site de Low Wave. Mais sinon, si vous n'avez pas l'argent pour acheter le DVD, vous pouvez aussi faire un tour sur le site de Métronomique. Il n'y a que des films, il n'y a rien d'autre. Donc, c'est www.métronomiqueic.fr. Et voilà.